Première partie. Les années Truman et Eisenhower, 1947-1960. Chapitre 1. Quand la CIA aidait la mafia corse à créer la French Connection. La Côte d'Azur serait, après Paris, la deuxième destination préférée des touristes américains. Dans l'après-guerre, la CIA n'a pas dérogé à cette règle en s'intéressant beaucoup à la région de Marseille, mais pas seulement pour des raisons touristiques. Dès le début de la guerre froide, la CIA et l'OPC sont convaincus que les syndicats joueront un rôle majeur dans le combat contre le communisme en Europe occidentale. Par l'intermédiaire de la Fédération syndicale américaine, AFL, déjà à la tête de ses propres réseaux clandestins en Europe, l'agence verse près de 2 millions de dollars par an aux dirigeants syndicaux anticommunistes. Je crois que l'intérêt manifesté par l'AFL-CIO pour la protection du port de Marseille et d'autres choses de cet ordre avait commencé avant la création de l'agence, déclarera Thomas Braden, responsable de l'OPC pour ses opérations. J'ai l'impression qu'elles étaient effectuées par l'OSS, ou bien par l'armée, ou bien encore par le département d'État. Il est certain qu'au début de l'année 1947, l'ambassadeur des États-Unis en France, Jefferson Keffery, a déjà averti Washington que « le pouvoir du Kremlin s'étend de plus en plus par l'intermédiaire du Parti communiste français et de sa forteresse, la CGT ». L'ambassadeur regrette que les dirigeants syndicaux qui s'opposent à l'emprise des communistes sur la CGT n'aient pas été en mesure, essentiellement par manque d'argent, d'organiser des groupes d'opposition efficaces. En 1947, quand les communistes appellent à des grèves contre le plan Marshall, la CIA lance secrètement sa contre-attaque. Ainsi, par l'intermédiaire de l'AFL, elle verse des fonds au socialiste Léon Jouot, qui fait scission avec son syndicat Force ouvrière de la CGT, alors dominé par les communistes. Le président de l'AFL, George Meany, révélera avoir financé la scission du syndicat français sous contrôle communiste. Nous l'avons payé, nous leur avons fait parvenir de l'argent des syndicats américains, nous avons organisé leurs bureaux et envoyé du matériel. Au premier abord, il paraît curieux d'imaginer la CIA en soutien fervent du Parti socialiste. Mais des trois forces politiques françaises importantes à l'époque, socialistes, communistes et gaullistes, les socialistes sont encore celles qui est la moins repoussante pour la CIA. Dans un article du Saturday Evening Post, paru en 1967, l'ancien directeur du département des affaires internationales de la CIA, Thomas W. Braden, commente la stratégie de la CIA qui consiste à utiliser la gauche pour combattre la gauche. Elle fut l'œuvre de Jay Lovestone, adjoint de David Dubinsky au Syndicat international des travailleurs de la couture. Ayant été le chef du Parti communiste des États-Unis, Lovestone connaissait parfaitement les opérations d'infiltration à l'étranger. En 1947, la Confédération générale du travail, communiste, déclencha à Paris une grève qui faillit paralyser l'économie française. On craignait une prise de pouvoir. C'est dans cette conjoncture qu'intervinrent Lovestone et son adjoint Irving Brown. À l'aide de fonds fournis par le syndicat de Dubinsky, ils créèrent Force ouvrière, un syndicat non communiste. Lorsqu'ils furent à court d'argent, ils firent appel à la CIA. C'est ainsi que commença le financement secret des syndicats libres qui bientôt se répandit en Italie. Sans ce financement, l'histoire de l'après-guerre eût peut-être été très différente. Les versements de la CIA, qui avoisinent 1 million de dollars annuels, permettent au Parti socialiste de se constituer un socle électoral important en milieu ouvrier. À cette époque, Gaston Defferre, le leader socialiste de Marseille, s'en prend férocement aux communistes à l'Assemblée nationale. Et dans son journal, Le Provençal, le ministre socialiste de l'Intérieur, Jules Moc, exige de la police qu'elle mette un terme à la grève des travailleurs. MOC sollicite le rappel de 80 000 réservistes et emploie 200 000 soldats pour combattre les grévistes au plan national. Ce coup de force oblige la CGT à suspendre la grève le 9 décembre, après moins de 4 semaines d'arrêt de travail. Ce n'est pas à Paris que les affrontements les plus violents ont lieu, mais à Marseille. En effet, il est vital pour la politique étrangère américaine de gagner dans cette ville, tête de pont pour les livraisons du plan Marshall vers l'Europe. Lorsque les porte-paroles locaux du Parti communiste rendent responsable le gang des frères Guérini de violences subies par les conseillers municipaux et de l'assassinat d'un ouvrier métallurgiste, Gaston Defferre s'en prend ainsi aux communistes. Les drapeaux américains et britanniques qui flottaient sur l'hôtel de ville ont été arrachés par les hordes communistes. Nous savons à présent de quoi sont capables les communistes. Je ne doute pas que le gouvernement en tire les conséquences. Le Parti socialiste déplore ces incidents et il ne tolérera pas que ceux qui se disent députés soient à même de défier la loi. Quelques jours plus tard, le député communiste Jean Christoffol dénonce le gang Guérini, qui serait inféodé au Parti gaulliste et socialiste de Marseille. Defferre nie les connaître. Mais un autre député communiste lui rappelle alors qu'un cousin de Guérini est rédacteur en chef de son propre journal, Le Provençal, et dénonce les hautes protections du milieu marseillais. Grâce à ses relations avec le PS, la CIA envoie à Marseille des agents et des spécialistes de la guerre psychologique qui traitent directement avec les chefs des organisations mafieuses corses, par l'intermédiaire des frères Guérini. Les agents de la CIA fournissent armes et argent aux gangs corses pour leur donner les moyens de défaire les piquets de grève communistes et de menacer les principaux responsables syndicaux. Plusieurs grévistes seront même assassinés. Les spécialistes en guerre psychologique de la CIA diffusent de leur côté des tracts, affiches et émissions de radio de propagande à destination des ouvriers. Le gouvernement américain menace de rapatrier aux États-Unis une cargaison de 65 000 sacs de farine destinés à la ville affamée si les dockers ne la déchargent pas sur le champ. La violence comme la faim amènent les travailleurs de Marseille à abandonner la grève en même temps que leurs camarades des autres villes françaises. La veille de Noël 1947, 87 wagons arrivent en gare de Marseille, chargés de farine, de lait, de sucre et de fruits. Leur arrivée est acclamée par des centaines d'écoliers agitant des petits drapeaux américains. Les Guérini, renforcés par ces événements, deviennent les nouveaux chefs de la pègre corse. Mais ce n'est qu'à l'occasion de la grève des dockers de 1950 qu'ils deviennent assez puissants pour prendre le contrôle des quais marseillais. L'influence politique et la mainmise sur les quais créent des conditions idéales pour développer des laboratoires d'héroïne, au moment même où un parrain de la mafia italo-américaine, Lucky Luciano, recherche de nouveaux fournisseurs. Marseille est depuis un siècle la porte de l'Orient par laquelle passe le matériel destiné au corps expéditionnaire français qui combat en Indochine. Ho Chi Minh, qui a participé à la création du PC français, est célébré comme un héros par les ouvriers de Marseille où résident de nombreux Indochinois. En janvier 1950, les dockers de Marseille décident de boycotter les navires qui transportent les marchandises vers la zone des combats. Le 3 février, la CGT publie une déclaration exigeant le retour du corps expéditionnaire d'Indochine pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Le transport des cargaisons d'armes à destination de l'Indochine est bloqué. Mi-février, la grève s'étend à l'industrie métallurgique, aux mines et aux chemins de fer. L'entêtement de la classe ouvrière de Marseille appelle une réaction. Thomas Braden, de la CIA, racontera plus tard de quelle manière il résout le problème. Devant moi, sur le bureau où j'écris ces lignes, est posée une feuille de papier jaune, froissée et décolorée. elle porte la mention suivante écrite au crayon. Reçu de Warren J. Eskins la somme de $150,000. Signé Norris et Grambo. J'ai recherché ce papier le jour où les journaux révélèrent le scandale des relations existant entre l'Agence centrale de renseignement et les étudiants et dirigeants syndicaux. Ce fut une recherche mélancolique, et lorsqu'elle prit fin, je me sentais triste. Car Warren J. Haskins, c'était moi. Norris et Grambo étaient Irving Brown de l'American Federation of Labor, AFL. Les $150,000 provenaient des coffres de la CIA, et ce papier jaune est le dernier souvenir que je possède d'une vaste opération secrète. C'est moi qui ai eu l'idée de donner $150,000 à Irving Brown. Il en avait besoin pour payer ses escouades de gros bras des ports de la Méditerranée, afin que les cargaisons américaines puissent être déchargées en dépit de l'opposition des dockers communistes. Avec le $2 million fournis par la CIA, le dirigeant de l'AFL, Irving Brown, fait venir d'Italie des travailleurs jaunes qui déchargent les armes en provenance d'Amérique et parviennent ainsi à briser la grève, pendant que les dirigeants du parti sont menacés physiquement. En fournissant aux organisations corses argent et appui, la CIA facilite la contrebande à Marseille. Et la région devient le laboratoire d'héroïne de l'Amérique. Les premiers laboratoires de Marseille sont ouverts en 1951, quelques mois seulement après le contrôle des quais par le milieu. Gaston Defferre et le Parti socialiste sont sortis victorieux des grèves de 1947 et 1950. De 1953 jusqu'à sa mort en 1986, Defferre est resté le maire de Marseille. Les Guérini semblent avoir gardé de bonnes relations avec les socialistes marseillais, prêtant des hommes de main pour jouer les gardes du corps et coller des affiches, jusqu'à la chute du gang en 1967. Même s'il est très difficile d'évaluer la part du marché transatlantique de l'héroïne sous leur contrôle, il semble, selon une enquête effectuée par le Bureau fédéral des narcotiques, que les Corses de Marseille sont bien devenus les premiers fournisseurs des États-Unis. Ils relient pendant 15 ans les champs d'opium de Turquie au marché new-yorkais de l'héroïne. Des sous-traitants sont aussi chargés d'importer de la morphine libanaise, de la transformer en héroïne, et enfin de livrer la poudre de première qualité aux distributeurs de la mafia américaine. En 1965, les gangs de Marseille gèrent 25 laboratoires, qui produisent chaque mois entre 50 et 150 kilos. Face à une demande américaine croissante, ils vont doubler leur production en 5 ans. Bien que peu hiérarchisés, les gangs corses contrôlent toutes les étapes de la commercialisation. Le commerce des cellules de Marseille, très souvent composé de frères ou d'amis, s'appuie sur des protections politiques au niveau local et un réseau criminel global, avec des partenaires tout au long de la chaîne entre la Turquie et New York. Barthélémy Guérini, le plus grand trafiquant d'héroïne de Marseille, n'a jamais été inculpé. Malgré son importance dans le milieu, il fut toujours protégé par ses relations politiques. Les frères Guérini ont tenu le monopole de l'héroïne marseillaise pendant près de 20 ans, imposant une interdiction totale de commerce en France. Mais au milieu des années 1960, après une vendetta, les Guérini connurent le déclin. Très vite, leur embargo sur le trafic de drogue locale prit fin, et la France put goûter à la fameuse héroïne marseillaise.